ten ami, on a tous, dans le champ d'avenir, pour faire pousser la machine. On la roulera aussi bien sous nos corps, on a assez que dans l'eau, pour gonfler de cette nouvelle vie naissante. Cette société pourrie avec l'enfance, cette patente qui a tué cette belle jeunesse. On l'inventera, tu peux compter sur nous. On ira tous dans le jardin public pour rejeter cette société merdique. On ira tous dans le jardin public pour faire pousser la musique.